En plein d'essence, ces putains de rimes qui me foutent à terre. C'est plus fort que moi, faut que je me perde, que je retrouve mon innocence. C'est plus fort, j'ai ressenti l'offense. Y'a pas moyen que j'obtempère. Je fais vivre le Bouddha dans ma tête. Je travaille tout pas mes maquettes. Rares sont les loupards à la retraite. Ne pas être coupable, c'est ma quête. Trop de coupables, n'écoute pas les traites. Je suis un punk sous sang à la crête. Trop des dégoûts, du coup, serre-moi des coups. Je suis fou dans ma tête. Pas le genre de froid que la chair peut soulager. C'était un froid acéré, tranchant comme les lames aiguisées des couteaux de boucher. Couteau de boucher pour la froideur. L'image est forte, mais véridique. Vérité de barge hérétique. On court après le temps jusque pas d'heure. J'ai pas confiance en ces gratteurs. Oh les rappeurs parlent de Broly. Discret mais tranchant et poli. Mon son c'est le bruit du sécateur. Je veux m'étaler sous les draps. Une plage décalée sous mes bras. Crailler, brailler sur mes tracks. Rapper, parler pour les bras. Loulouloulouloulou. Froid et flou comme ma série noire d'Agatha. Ma loulou tour de magie vaudou. Pique dans le trou, abracadabra. Sortir de sous terre, rouler la pour eux-mêmes sous perf. Yes, oui, les chérés se sous perf. Avec un rail, on va être fou d'air. Dans la vie, tout gagne et tout perd. Je me suis régalé, j'ai souffert. On te laisse à terre, le ventre ouvert. Viscéral, à coup de machette, on t'opère. Vieux chirurgien sans diplôme. De 10 kilos à 10 tonnes. Je me rappelle plus où j'ai déjà vu ton cul, mais t'es papa résiltant. Les chiffres mentent pas, les gens m'étonnent. Sous Extra, ils sont dans les Simpsons. Tous des fous, Alzheimer, Parkinson. Rendez-vous à quelle heure, place Wilson. Marijuana.